doublette type EDS ensuite dans l'aspect française, avec tout d'abord No Return, le vieux groupe de trash death francilien qui voit au retour en son sein le vocaliste qui pour moi écrit les titres de les années titres de noblesse de No Return, monsieur Steve Petit Zoul reprend le micro au sein de No Return sur ce nouvel effort studio intitulé Requiem. Et ensuite Sun Eater, one man band side project d'un des membres de Embrace Your Punishment, le batteur plus exactement, qui nous sort Vermine sur le label Miasma Records. Là on est sur du tech death joué tout seul tout simplement. On s'écouterait le titre Throne of Lies et juste avant ça No Return avec le titre Affliction. C'est parti. Out! aspect française, Gorgone et Nuit d'encre. Gorgone, on est sur du Black Death olympien, si l'on peut dire, hein, puisque d'inspiration sur la mythologie gréco-romaine. Ils nous sortent un nouvel effort studio, Filgur Imperii, sur le label MU Music. C'est assez grandiose, la musique que propose Gorgone est surtout qualitative. Nuit d'encre, ensuite un one-man band instrumental qui nous sort un nouvel effort studio de l'autre côté. C'est le titre de cet album. Donc on est sur du post-hardcore, on est sur du espèce de sludgy doom un peu écrasant. Voilà, d'inspiration bien évidemment Cult of Luna et autres Crowbar. Voilà pour la présentation de Nuit d'encre. Présentation des morceaux que l'on va donc pouvoir s'écouter tout de suite. Gorgone, le titre Poison Gift. Nuit d'encre, le titre Milieu Hostile. Et c'est parti. We'll be right back. Et la doublette suivante va nous faire quitter l'aspect française. On en parlait il y a quelques instants. Fall of Seraphs, voilà, on en parlait au travers des membres de Iron Flesh, puisque voilà, les groupes se partagent des icos. La formation également du sud-ouest nous sort From Dust to Creation, sorti sur le label Memento Mori. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce nouvel effort de Fall of Seraphs? Eh bien, tout simplement qu'on est toujours dans du death, 7 titres pour une grosse demi-heure, donc voilà, c'est assez frontal, hein, c'est expéditif et bien expédié, d'inspiration des vieux Morbid Angel, Deicide et autres Vader, cette espèce de evil death bien sombre. Et en doublette avec Fall of Serap, on continue un peu la route vers le sud jusqu'au Portugal avec les vétérans de Black Widows, le groupe formé en 95, c'est marrant de parler de vétérans et de groupes qui ont émergé au milieu des années 90. Vétérans dans le sens où c'est la première formation portugaise 100% féminine. On est sur du dark metal avec des relents un peu gothiques. Musicalement, ça va du heavy presque lyrique, symphonique, avec des parties beaucoup plus agressives, à la limite du growl. Voilà, on diffuse assez rarement ce genre de formation, mais là, voilà, Black Widows nous a tapé dans les oreilles. Présentation des morceaux tout de suite avec Fall of Seraph, The Eradication Dogma. Black Widows ensuite, Forgive to Forget, extrait de l'album Among the Brave Ones. C'est parti! Et on se rapproche tout doucement du coup de la fin de l'émission de ce soir. Doublette suivante, eh bien c'est la dernière nouveauté pour eux aujourd'hui. Implore, la formation de grindcore austro-allemande. Le groupe nous sort son quatrième album studio en 10 ans d'existence. On est toujours sur un Blackening Grindess un peu crusty à la croisée d'un Ernst ou autre Trapdem. Cependant toujours une prod ultra puissante et chirurgicale qui met vachement bien en valeur la musique de Implore. A noter que Gabriel, le vocaliste du groupe, sera très prochainement en tournée en chanteur de session pour le groupe singapourien Warmrot. On a parlé il y a quelques semaines déjà. Et en doublette avec Implore, Riot City, une autre formation venue du Grand Nord américain, voilà, qui nous vient d'Alberta au Canada, formée il y a une dizaine d'années. On est sur du pur heavy speed qui dégouline les années 80. C'est kitsch à souhait à tous les niveaux, ça hurle dans les aigus, bah, comme on adore, sur les tempos ultra soutenus. Deuxième effort studio longue durée après un premier en 2019 qui avait été plutôt plébiscité. Donc voilà, Riot City, Electric Elite, une sortie No Remorse Records, on s'écouterait le titre Lucky Diamond. Et juste avant ça, Implore avec un extrait de The Burden of Existence avec le titre Sun Deprived. Et c'est parti. Acedia pour l'avant-dernière doublette de l'émission de ce soir. La formation black metal québécoise, encore une formation vraiment du grand nord américain, hein, plutôt riche, vraiment cette scène dans un peu tous les styles comme on est en train de le redécouvrir. Troisième effort studio pour la formation qui au passage rejoint les rangs des Acteurs de l'Ombre. Un espèce de all-star band de la scène black québécoise qu'on retrouve notamment des membres de Cantique Lépreux, Chasse Galerie et autres. On est sur du pur black québécois, c'est froid, c'est haineux, c'est complexe et en même temps on se fait complètement emmener par les mélancolies, les mélodies mélancoliques au sein de ce nouvel effort studio de Acedia. Et ensuite Headshot, groupe de trash allemand, trash presque trash death, hein, emmené par une vocaliste. Coucou la référence à Holy Moses, et justement on y est clairement, même si vocalement c'est un tout petit peu moins brutal que ce que peut nous proposer Sabine Esclassen. On est cependant sur du pur trash allemand, hein, ça tabasse et c'est agressif et hargneux comme il faut. Niveau présentation des titres, on retrouve donc Acedia avec le titre L'Inconnu, extrait de l'album Fracture, sorti donc chez les Acteurs de l'Ombre. Headshot, Divide et Impera, extrait de l'album Eyes of the Guardian. C'est parti! Et on clôture en beauté avec du gras baveux dégoulinant, Guttural Engagement, le groupe de slam américain qui nous sort son nouvel effort studio, enfin, près de 15 ans après le premier effort studio longue durée. 33 in the Crawl Space, une sortie sur label Brutal Mind, on s'écouterait le titre Vivisected with Broken Glass. Toujours ultra quali, le slam rampant de Guttural Engagement. Sur ce, excellente fin de soirée à toutes et à tous. Et rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle émission. Ciao, ciao.